Radio Le Zinc. Bienvenue pour une nouvelle émission de Radio Le Zinc. Ce soir, votre radio Le Zinc sur la très locale RVR va faire dans l'ancien, voire l'antique, de Alain Bachung à Arnaud. Il y aura quelques cadavres exquis du rock. Êtes-vous prêts? Voici donc Arnaud qui invite B.G. Scott pour reprendre le légendaire Jean Balthazar dans une très libre interprétation. Je l'ai vu au petit matin, tout nu dans mes placé devant la cheminée, pas besoin de faire un dessin. Fatigué, j'ai la gueule de bois sur le lit, j'ai jeté mon fouet. je m'appelle Jean Balthazar. Smarting juniors knock off to the city, strung out on lasers and slashback blazers, and ate all the razors while pulling the waiters. Talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Le Stéphanois vient de sortir Métamorphose, nouvel album empli de classiques du Lavillier, largement réorchestré. Ce soir, Radio Zinc préfère la version originale de Trafic et ses deux F. Trafic vertu, j'aime ou je tue, magique exclue. Encore, j'envoie d'abord le cri des villes sur du vinyle. Taxi driver, nœud de vipère, flic solitaire, tombé par terre, amour porno, chacun sa peau, je vends du spleen, pure origine. Dernier repas brûle sous les lasers.

t'es bien, oui tellement bien.

de plastique. Un petit garçon, sa sœur, la monopromotion, le nouveau directeur, la restructuration. 40 ans sans emploi, les traites de la maison, des aigreurs d'estomac, rideaux sur l'horizon. Pastis et cacahuètes au café de la place, et la télévision qui vante Las Vegas. Tang, tang, sa barque dans le port amarré, où se tendent des arcs vers des cibles rêvées. Les cargos, les ferries, la câble de remous, elle sombre de dépit si tout le monde s'en fout. Pas derrière le sort des impuissants. Il était ton ami quand il faisait beau temps. Son destin est grippé